Bonjour et bienvenue dans la Comicsphère, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous présenter ses trésors cachés. Je suis votre hôte, Spades, et on ne change pas une équipe qui gagne, donc on accueille Gré Pigeon. Salut Spades, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on a décidé de parler de Daredevil Redemption. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce comics ? Alors, ce comics est une mini-série en 6 parties, écrite par David Hein et dessinée par Michael Gaidos. Elle est sortie en 2005 et elle a été éditée par Marvel Comics. Ça raconte quoi ? Alors, c'est l'histoire d'un meurtre dans une toute petite ville des États-Unis, en Alabama. Un jeune garçon est retrouvé mort et mutilé. Et le bad boy local, ainsi que sa petite amie et le frère de celle-ci, sont immédiatement arrêtés. Et sous la pression du shérif, le frère de la jeune fille admet rapidement le crime. Il faut souligner qu'il est légèrement déficient mental. Matt Murdock est engagé par la mère d'un des accusés et va essayer de défendre le jeune adolescent et tenter de lui faire éviter la chaise électrique. Bien, mais dans ce résumé, tu ne m'as pas parlé de Daredevil. C'est qui Daredevil ? Alors, Mark Murdock est un personnage créé par Stan Lee et Bill Everett en 1964. Il fait partie des personnages mythiques de cette époque de Marvel créés à la même époque. On peut citer Hulk, Spider-Man, Captain America, donc le renouveau de Captain America. Matt Murdock, à la base, c'est un jeune garçon qui est élevé par son père, qui est boxeur, et qui perd la vue suite à un accident. Mais cet accident, en même temps, va lui donner une amplification de l'ensemble de ses autres sens, ainsi que l'apparition d'un nouveau sens, le sixième sens, le sens du radar. Pendant son enfance, Matt Murdock va subir un traumatisme terrifiant, donc la mort de son père dans des circonstances dramatiques. Son père sera assassiné, ce qui va lui donner l'envie de combattre l'injustice. Donc c'est pour ça qu'une fois devenu adulte, il se choisira le métier d'avocat, qu'il exercera la journée, défendre les faibles, et la nuit, il combattra le crime sous le costume de Daredevil. Et d'ailleurs, c'est marrant, dans ce comics, justement, tu nous parles plus de Matt Murdock que de Daredevil, mais tu as totalement raison. Ah bah oui, parce que dans ce comics, on voit très très peu Daredevil, en fait. C'est vraiment une histoire qui est centrée sur la carrière d'avocat de Matt Murdock. Voilà, là, on tombe en fait sur une histoire vraiment... une histoire de procès plus qu'une histoire de justicier. Ah, ce n'est pas du tout une histoire de super-héros, c'est vraiment une histoire... On pourrait très bien la voir dans un épisode de Law & Order, par exemple. Et puis d'ailleurs, ça s'inspire d'un fait réel dont on parlera un peu tout à l'heure. Mais d'abord, on va parler des auteurs. Est-ce que tu peux nous présenter David Hein, donc le scénariste de cette série ? Tout à fait. Donc David Hein, en fait, c'est un auteur anglais qui a commencé sa carrière en tant que dessinateur dans les années 80. Donc en tant qu'anglais, il a forcément commencé chez 2000 AD, donc la célèbre revue dans laquelle est publiée les aventures de Judge Dredd. Ah oui, non moins fameuse. Voilà, il a beaucoup bossé aussi sur Crisis, qui est donc un magazine dérivé de 2000 AD. Et c'est un magazine un peu plus sérieux, on va dire, que 2000 AD. Et on l'a retrouvé aussi dans les pages, forcément, de Marvel UK. Donc, pour expliquer ce qu'est Marvel UK à nos auditeurs, c'est donc... Marvel a essayé de s'implanter en Angleterre au début des années 70 et a adapté ses comics au public anglais. Tout simplement, comme nous, en France, aujourd'hui, on trouverait aberrant d'acheter 24 pages de comics à 5€, alors qu'on est habitué depuis des années à avoir les kiosques où on a une centaine de pages pour le même prix. Ouais. Et là, donc, Marvel UK adapte ça, adapte le format, fait de l'éditorial et compagnie, et surtout, donc, début des années 80, a décidé de commencer à créer des personnages spécifiques au marché anglais. Donc, c'est des personnages créés par des Anglais, écrits et dessinés par des Anglais, mais qui appartiennent réellement à l'univers Marvel. L'un des plus célèbres est donc Captain Britain. Et c'est des personnages qu'on retrouve toujours aujourd'hui, hein, de manière sporadique dans l'univers Marvel. Oui, on a toujours Motor Mouse ou Deathhead qui apparaît au fond d'une case. Captain Britain a toujours une grande place au sein de l'univers Marvel dès qu'il y a un gros événement éditorial. Et donc David Hein, notamment pour Marvel UK, a bossé sur une série qui s'appelle Zoids, dans le magazine Spider-Man. Et il était en tant que dessinateur pour un scénariste qui s'appelle Grant Morrison, qui est juste l'une des plus grandes références de comics au monde. Ouais, je pense qu'on reparlera de lui un petit peu plus tard. Et donc David Hein a continué son petit bonhomme de chemin en tant que dessinateur, parfois en tant que scénariste, et a publié donc un comics indépendant qui est considéré comme une des œuvres cultes du comics indé, Strange Embrace, donc au milieu des années 90. Et suite à ça, donc il a plus ou moins disparu du milieu. En fait, tout simplement... Sa copine de l'époque est tombée enceinte. Il avait besoin d'un boulot qui permette de payer comme il faut et puis qui lui permette d'être chez lui. Parce que donc le comics à l'époque, c'était 60 à 80 heures de travail par semaine pour un salaire de misère. Ouais, autant les travailler dans la pub, ça paye plus et on a moins à bosser. Et voilà, t'as tout à fait compris. Il est parti en tant que publiciste, mais le travail dans les comics lui a toujours manqué. Donc on l'a retrouvé au début des années 2000, donc en 2004 chez Marvel, mais Marvel US cette fois, sur une série qui s'appelle donc District X, qui est une très très bonne série policière dans le style un peu The Wire, qui se passe dans l'univers des X-Men, où Bishop, donc un des célèbres X-Men qui dans le film Days of Future Past est incarné par le français Omar Sy, se retrouve à devenir flic au sein du quartier mutant de New York. C'est vraiment une série sympathique qui a duré une bonne vingtaine d'épisodes et qui donc s'est pris l'événement éditorial House of M de plein front et qui est donc devenu Mutopia X, qui est aussi très bon, voire même limite meilleur que District X pour moi. Et donc David Hein s'est beaucoup intéressé aux conséquences de House of M avec des séries comme The 198 et Son of M. Il a fait aussi beaucoup d'incursions chez DC où il filera un coup de main à Grant Morrison, donc son copain anglais, concernant la destinée de Batman durant la mort de ce personnage et où il va surtout créer le personnage de super-héros français, le Batman français Nightrunner. Ouais, enfin, personnage qui a complètement disparu maintenant, mais qui avait fait sensation à l'époque, surtout chez nous en France. Ah, même aux États-Unis. Bon, même si il décrivait une France qui était à feu et à sang. C'était écrit à l'époque des émeutes, si je me souviens bien. Donc, Grant Oui, c'est Morrison ça. s'était inspiré de ça pour la création de ce personnage. Oui, c'est exactement ça. Mais c'est vrai qu'il y avait un tel décalage entre ce que lui décrivait et ce qu'il devait certainement voir sur Fox News et la réalité que c'en était rigolo, quoi. Et donc, il a aussi bossé chez Image, donc sur le célèbre personnage The Darkness, personnage culte de l'écurie Topco. Et il a lancé aussi un comics indé que j'aime beaucoup qui s'appelle Bulletproof Coffin. D'accord. Est-ce qu'il est toujours actif de nos jours? Il est actif chez pas mal de petits labels. J'espère le revoir rapidement sur des grosses séries parce qu'il mérite, parce que son style est très très centré sur les personnages. L'important pour lui, c'est les personnages et ce qui s'y passe. L'action, c'est pas primordial. D'ailleurs, on va retrouver ça sur Daredevil Redemption. Il y a Ah. très très peu d'action, c'est vraiment une série de personnages. Oui. Et c'est vraiment sa manière d'écrire les personnages qui fait vraiment la saveur du truc. Il a une justesse dans la psychologie de ses personnages qui est vraiment agréable. Et surtout, ça se voit qu'il a beaucoup travaillé sur les comics d'horreur parce qu'il utilise beaucoup la technique du hors-champ pour amener des éléments choc au visage du lecteur. Et pour ça, je trouve qu'il est bien aidé par le dessinateur de Daredevil Redemption, donc qui est Michael Gaidos. Est-ce que tu peux nous le présenter? Ah oui, alors Michael Gaidos, il est surtout connu pour une série qui a eu un succès retentissant, c'est Alias, une série qu'il a faite début des années 2000 avec Brian Michael Bendis. Donc il est co-créateur de cette série-là et ça lui a apporté une gloire immense à cette époque-là. Il a un petit peu disparu des radars depuis, même s'il continue toujours à travailler, mais il n'a jamais retravaillé sur des séries aussi importantes que l'a été Alias. Oui, mais bon, il faut dire, il a un style qui n'est pas facile à adapter au comics mainstream. Il a un style extrêmement sombre et réaliste, réaliste à tel point que par exemple pour le visage de Jessica Jones dans Alias, il a carrément reproduit le visage de sa petite amie de l'époque. Depuis, il a surtout travaillé sur des titres indépendants, donc il a travaillé notamment pour Two Faces and ID comme David Hein, et il a travaillé sur Devlin Bow, qui est une histoire de vampire homosexuel dans l'univers de Judge Dredd, une série que je recommande énormément, très drôle. Oui. Et sinon, il a travaillé très récemment chez Archie Comics dans le label très dark de Archie Comics sur une série qui s'appelle Black Hood avec Dwayne Zierzewski au scénario. Oui, qui est un très bon scénariste aussi. Alors, j'ai pas eu la chance de lire cette série, mais les quelques images que j'ai pu en voir m'ont donné énormément envie. Et on peut citer sinon quelques travaux de commande parce qu'il faut bien manger. Et donc, il a notamment travaillé sur les adaptations des séries télé 24 heures chrono ou True Blood. Alors, j'ai pu lire l'adaptation de 24 heures chrono, c'est pas si mauvais, ça fait la liaison entre la dernière saison qui était passée il y a quelques années et la nouvelle saison Qui est sorti l'an dernier. qui est sortie l'an dernier, voilà. Oui. Bah, ce qu'il faut dire aussi sur Michael Gaidos, c'est un ancien d'un petit éditeur de comics qui s'appelle Calibre, donc dont on vous parlera très très prochainement. Et Calibre, en fait, dans les années 90, donc à l'époque où il était chez eux, c'était bah, plus ou moins l'équivalent de ce qu'est Image aujourd'hui. Donc si tu voulais lire du bon comics indé, tu prenais du Calibre. D'accord. Et c'est là-bas qu'il a fait la connaissance de Brian Michael Bendis. Donc, en fait, ils sont très potes. Il y a toute une petite communauté d'anciens auteurs et dessinateurs de chez Calibre qui sont très liés entre eux. Donc, Ed Brubaker, Brian Michael Bendis et Greg Rucka pour les scénaristes. Et Michael Lark, David Mack, Michael Gaidos. Sean Phillips aussi. Sean Phillips, bah, plus tard, Sean Phillips, c'est plus avec Lark et Rucka sur Gotham Central. D'accord. Mais tu fais bien de citer Sean Phillips parce que justement, Sean Phillips, Michael Lark et Michael Gaidos sont quand même un style qui est très très proche, quoi. Alors Michael Gaido, je trouve qu'il a un style encore plus, j'allais dire dur, difficile. Il a un style presque moins réaliste que quand même que celui de Lark De Sean Phillips. ou Sean Phillips. Parce que lui-même se réfère à Bill Sienkiewicz, par exemple. J'ai lu une interview de lui dans laquelle il se réfère aussi à des peintres, notamment des peintres expressionnistes autrichiens de la fin du 19e ou début du 20e siècle. Et il cite notamment Gustav Klimt ou Egon Schiele. Oui, tu as ça. Et c'est un style vraiment particulier qui fait que Michael Gaidos, récemment, a fait énormément de couvertures, mais assez peu d'intérieur. Ah ben, c'est comme pour Bill Sienkiewicz que tu citais plus tôt. C'est le cover artiste par excellence, quoi. Alors, ce comics est sorti en 2005, mais il n'a pas connu un succès retentissant. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Parce que tout simplement, en 2005, Daredevil était déjà en place dans sa série régulière. Donc il faut savoir que Daredevil est un personnage secondaire de l'univers Marvel. Ça n'a jamais été une grosse locomotive pour les ventes, mais ça a toujours été un personnage qui était aimé par le public. Et aimé par les scénaristes aussi, parce qu'ils avaient toute latitude pour faire ce qu'ils voulaient dessus. Et du fait qu'il soit secondaire, voilà, c'est justement pour ça. Et justement, donc à l'époque, tu parlais de Brian Michael Bendis juste avant. Brian Michael Bendis était scénariste de Daredevil avec Alex Maleev au dessin, qui lui aussi est un dessinateur au style très particulier. Ouais, mais ce sont des dessinateurs qui représentent très bien la ville. Ouais. En fait, le run de Brian Michael Bendis, donc un run en gros, c'est la période durant laquelle un scénariste se retrouve sur un titre. Le run de Brian Michael Bendis est juste considéré comme l'un des meilleurs de tous les temps sur Daredevil. C'est une des références et à l'époque, tous les regards étaient braqués sur la série mère. Donc même si c'est la série mère vendait, on va dire, correctement, parce que ça vend à peu près 50 000 titres par mois, Redemption lui est sorti en catimini à cause de ça, quoi. Et surtout parce que donc les sorties étaient plus ou moins irrégulières, ce qui a pu jouer aussi sur l'intérêt du public. Et donc, en moyenne, les Redemption a oscillé entre 30 000 exemplaires et 18 000 exemplaires. Ouais, donc ça a fini à un score assez faible pour Marvel, qui Ouais. est assez commun pour les mini-séries, parce que souvent les gens se reportent sur le tome en relié et n'achètent pas forcément les singles. Et justement, c'est même triste parce que je crois que ce titre-là aurait été parfait pour une sortie librairie directe. Ouais, c'est vrai que ça aurait fait un très bon tome directement. Ouais. Je disais plutôt que l'histoire est inspirée par un fait réel. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Alors, on va faire beaucoup d'analogies avec le comics. Parce que David Hein s'est vraiment inspiré d'un cas réel et il a repris énormément de situations qui se sont réellement passées. Alors, le 6 mai 1993, trois enfants sont retrouvés assassinés. Les cadavres ont été retrouvés dans un état lamentable et l'enquête, du coup, s'oriente tout de suite vers un crime rituel. Du coup, trois jeunes du coin vont être arrêtés sous l'unique prétexte qu'ils sont juste un petit peu différents. Et différent quoi? D'abord, on va les citer. Alors, Damian Eccles, Jason Baldwin et Jesse Miskelly, ils sont arrêtés tout simplement parce qu'à l'époque, ils étaient fans de hard rock, de Ouais, musique métal. quelle différence. Ah voilà. Mais alors, ce qu'il faut préciser, c'est que l'histoire se passe dans l'Arkansas. Et là-bas, on est vraiment en plein milieu de ce qu'on appelle la Bible Belt, donc la ceinture de la Bible aux États-Unis. Donc c'est une zone située vraiment au centre du pays qui est extrêmement conservatrice. Oui, et dans le comics, en fait, ils ont resitué, bah, toujours dans la Bible Belt, mais au niveau de l'Alabama. Ouais, alors, je sais pas trop pourquoi, probablement pour éviter les ennuis. Et d'ailleurs, un autre changement qui a été fait dans le comics, c'est que donc, les coupables idéaux étaient trois jeunes hommes. Là, Oui, dans le alors que comics, dans le comics, il y a une jeune femme. voilà. Et une autre différence, tant qu'on est à citer les différences, c'est que dans le comics, on a un enfant qui a été tué, alors que dans le cas réel, c'est trois jeunes enfants qui ont été Tout à tués. fait. Alors, les trois accusés vont. L'un d'entre eux, qui est légèrement retardé mental, va avouer. Il va s'avérer que c'est La contrainte. sous la pression du shérif, mais il va avouer le crime, malgré le fait que lui, en l'occurrence, a un alibi en béton. Mais donc les trois sont arrêtés, inculpés, et une parodie de procès aura lieu, et ils vont être condamnés très très très lourdement. Ah oui, ça, la parodie de procès, on va résumer, faux témoignage, manipulation de preuves, extorsion d'aveux et refus de prendre en compte toute preuve pouvant disculper les inculpés. La totale, la totale. En France, on a eu la même avec Patrick Dils. Et alors, on peut vraiment faire l'analogie avec Patrick Dils parce que c'est exactement le même cas. Alors, la différence près, c'est qu'aux États-Unis et surtout dans l'Arkansas, la peine de mort existe encore. Ouais. Et donc, Damian Eccles va être condamné à la peine capitale, tandis que ses deux compagnons seront condamnés à des peines extrêmement lourdes de prison. L'un d'entre eux à la peine à perpétuité et le second à 2 fois 20 ans de prison. C'est une histoire totalement folle qu'on a découvert grâce aux comics, on va dire la vérité, hein. Ah oui, clairement. Hein. Mais le comic, c'est très fort. Vraiment, il vaut le coup par lui-même d'être lu. C'est une histoire extrêmement forte, mais l'histoire réelle va Et encore plus loin. l'histoire réelle dépasse la fiction, mais à un point qui est incroyable. Donc il existe beaucoup de films et de livres qui traitent de de ce C'est cas-là. un petit peu comme l'affaire Deese dont tu parlais en France. Cette histoire aux États-Unis a un retentissement incroyable, à tel point qu'un mouvement de soutien va se déclencher très très vite pour les soutenir et pour essayer de les faire libérer. Il y a notamment de très grandes célébrités dans ce mouvement de soutien. Le chanteur de Black Flag, Ronnie Rawlings, on peut citer Johnny Depp, on peut citer Eddie Vedder, le chanteur de Pearl Jam, ou même Peter Jackson, le célèbre réalisateur néo-zélandais. Et le pire, c'est que ce mouvement de soutien, même certains des parents des trois garçons assassinés vont avoir un tel doute par rapport au procès qu'ils vont soutenir les trois coupables idéaux, quoi. Ah, c'est assez incroyable, hein. C'est totalement fou, c'est vraiment une histoire totalement folle. Heureusement qu'il s'est bien fini dans la réalité, Oui, enfin alors, à peu près. voilà. Alors, on peut faire une différence avec le comics, c'est que le comics a été écrit en 2005, et en 2005, à cette époque-là, les trois accusés étaient toujours en prison. Voilà. Et en 2007, de nouvelles preuves sont apparues, des preuves ADN, qui ont complètement disculpé les trois accusés et qui ont mis en cause le père d'une des victimes. Mais il a quand même fallu attendre 2011 pour que les trois accusés soient libérés et en plus soient libérés dans des conditions assez particulières. Est-ce que tu peux nous parler de ce fameux plaidoyer Alford? Donc là, le plaidoyer Alford, c'est tout simplement, on accepte d'être coupable tout en clamant notre innocence. Et donc, on est libéré de prison, mais sur notre dossier juridique, il est considéré comme étant coupable. Et donc la peine qu'on a déjà exécutée signifie que on a purgé la peine, pardon, Elle était voilà, justifiée, ouais. c'est ça. Et donc en l'occurrence, dans ce cas-là, ils ont effectué quand même 18 ans de prison pour un crime Qui n'a pas qui commis. était évident depuis le début qu'ils n'avaient pas commis, parce que l'ensemble des preuves qui étaient à charge contre eux, on parle notamment de traces de couteau, il s'est avéré que c'était des morsures de tortue, parce que les corps des enfants avaient été jetés dans une petite rivière qui était infestée de tortues. Les tortues de l'enfer. Parce que, on a vu un documentaire, on a vu les fameuses tortues, les raptors de Spielberg dans Jurassic Park, ils font pas le figure à côté. Ah oui, grave. Mais plus sérieusement, donc voilà, le truc, c'est que la plaidoyer Alford fait que, étant considéré coupable de ce crime-là, le rejugement du procès est impossible. Donc, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas se faire considérer comme innocents, ils ne peuvent pas demander d'indemnisation pour les 18 ans qui ont été foutus en l'air, et surtout, le véritable tueur ne peut plus être jugé. Et ça, c'est horrible. Ah oui, c'est terrible. Et ce qui est terrible, c'est que comme j'expliquais, c'est que les preuves ADN ont révélé la probable culpabilité Voilà. du père d'une des victimes. Et en gros, donc le documentaire dont tu parles, donc West of Memphis, dont on mettra un lien vers le trailer sur le billet de l'épisode. Alors c'est un documentaire qui est produit notamment par Peter Jackson et par Damien Eccles lui-même, qui l'a produit à sa sortie de prison. Et qui est vraiment remarquable et qu'on conseille très fortement. Ah oui. C'est ahurissant ce qui s'est passé. C'est pas le seul documentaire et film qui tourne autour de ça. On a notamment un film réalisé par Atom Egoyan. Oui, avec Colin Firth et Reese Witherspoon. Et d'ailleurs, ce film-là a été produit par Jason Baldwin, qui lui Oui. croyait plus au pouvoir de la fiction qu'au pouvoir du documentaire pour Oui. refaire vivre leur histoire. Mais aussi, donc, il y a eu trois reportages. En fait, un seul reportage qui se découpe en trois parties, En qui est. trois périodes même, parce que Oui. les documentaires sont sortis à plusieurs années d'écart en Voilà. fonction de l'avancée de l'enquête, Voilà, des c'est nouvelles preuves donc. qui apparaissaient. C'était produit par HBO, donc Paradise Lost. Donc, on a essayé de regarder le premier, on n'a vite pas pu. Parce que C'est. c'est extrêmement cru, on a des images d'époque de la police où on En voit train de des. sortir les cadavres des trois enfants de 8 ans de la rivière, et non, je peux pas, personnellement, moi je peux pas voir ça, quoi. Et donc, le truc qu'il faut savoir, c'est que ces trois documentaires, en fait, donc déjà le premier, c'est ce qui a permis donc de mettre à jour le scandale de ce procès, et qui a poussé donc vraiment à beaucoup de monde à s'intéresser, à aider les West Memphis 3. Et ce comité de soutien a permis la levée de fonds, qui ont permis la découverte de nouvelles preuves. Voilà, notamment le deuxième apporte des nouveaux éléments, donc notamment une histoire d'un couteau appartenant à un beau-père d'un des gamins qui est mort, avec des traces de sang et des marques de dents sur un des gamins. Et c'est justement à partir de ce documentaire-là que se base David Hein pour créer son comics. On va pas vous révéler tout ce qui se passe dans le comics, mais ce qu'on peut révéler, parce que ça se passe assez vite dans le premier épisode, c'est que très vite, Matt Murdock comprend que le père d'une des victimes De la victime, elle est seule. pardon, oui, de la victime dans le comics, excuse-moi, est probablement le coupable. C'est oui, il y a peu de doute sur sa culpabilité assez rapidement. D'ailleurs, un de mes amis à qui j'ai fait lire le comics m'a dit qu'il regrettait un peu ça. Et pourtant, c'est un choix très judicieux. Parce que l'intérêt de Redemption, c'est pas tant de savoir qui est coupable ou pas de l'histoire. C'est pas du, c'est Ce ça, qui est c'est pas du important, tout le, c'est... c'est pas un whodunit comme on dit, comme le dirait Hitchcock. Oui, voilà, c'est l'important, c'est de voir ce qui se passe pour les victimes que sont les inculpés, comme les familles, des victimes. Et ce qui intéresse aussi David Hein, c'est de montrer le système, la faillite du système judiciaire. Et ça, il le montre très bien parce qu'il y a tout un épisode notamment qui est vraiment centré sur ce qui se passe durant le procès et la parodie d'interrogatoire à laquelle on assiste. Et le pire, c'est que la réalité lui donne raison, quoi. Ouais. On a notamment les phrases de certains notables qui sont impliqués dans l'affaire, qui ont été dites dans le documentaire Western Memphis, qui nous a scandalisés. Ah ouais, qui sont retranscrites exactement telles quelles dans le comics. Et c'est vraiment mais terrifiant d'imbécilité, quoi. Et on peut révéler un autre élément qui est dans le comics, c'est, encore une fois, on dévoile pas grand-chose en disant ça, c'est les fameuses traces de dents qui sont retrouvées sur le corps de la victime, qui sont des traces de dents extrêmement irrégulières. Et le père de la victime présente aussi des dents irrégulières, et des dents qui, et dans la réalité et dans le comics, il se fera changer juste avant que le moindre examen ne soit possible. Et le truc drôle, c'est que dans la réalité, justement, le beau-père qui est soupçonné des meurtres à partir de ce deuxième documentaire n'est pas du tout le coupable au final. Non, c'est le père d'une des autres victimes, C'est une histoire dont l'ADN sera retrouvé sur les cordes qui ont permis d'attacher les d'attacher. enfants. Oui, parce qu'en fait, pour expliquer, les enfants ont eu les mains attachées aux chevilles par le dos, avant d'être jetés dans une rivière. Sympathique. Voilà. C'est non, non, vraiment, Western Memphis, faut que vous voyez ce film-là, c'est vraiment. C'est un très bon complément au comics. Si on veut s'intéresser à cette histoire, je recommande la lecture et du comics et la vision de ce documentaire. Et sinon, en autre similitude et différence avec le comics, tu vois quoi? Alors, il y a une similitude qui, moi, m'a vraiment choqué. C'est les protestations qu'il y a devant le tribunal. Et quand on lit le comics, j'ai lu le comics avant de voir le film, et j'avais trouvé cette scène à la limite de l'exagération, car on voit la moitié, la population de la ville qui est devant le tribunal. Au moment du procès, a hurlé sa haine envers les accusés et a souhaité leur mort, leur exécution. Oui. Et quand on voit le documentaire, exactement la même scène, on retrouve exactement la même scène. Et c'est terrifiant. Ah bah, c'est sûr que quand tu vois le droit de tuer de Schumacher, tu te dis que c'est forcément pour de faux, mais non, au final, ouais, les gens se comportent réellement comme ça, quoi. Voilà, cette scène est absolument terrible. Moi, une scène que je trouve terrible dans le comics, qu'on ne voit pas dans le documentaire, mais que je suis prêt à parier qu'elle s'est réellement passée, c'est la scène de l'autodafé. Oui, bien sûr. Où l'autorité religieuse de la ville demande à brûler tout ce qui peut mener les jeunes au satanisme, parce que oui, comme c'est des auditeurs de métal, c'est forcément des satanistes. Excuse-moi, ça me fait rire encore maintenant. Ouais, voilà. Mais justement, c'est pour ça que Henry Rollins a déclenché tout le mouvement de soutien, c'est quand il a vu ça et qu'il s'est dit, mais ça aurait pu être moi à leur place. Mais c'est vraiment étonnant parce que faut se replacer dans le contexte de l'époque, donc début des années 90, où effectivement c'est l'éclosion d'artistes tels que Marilyn Manson, hein, mais il y en a d'autres, et ces artistes qui faisaient vraiment peur à certains conservateurs, alors que c'est vraiment étonnant parce que c'est ce genre de musique satanique, je mets en des guillemets énormes, existe depuis les années 70. Facile, oui. Déjà, Judas Priest s'était pris un procès qui était énorme à l'époque. Black Sabbath, on peut Black citer Sabbath, même Kiss, oui, tout à fait. qui jouait vraiment sur cette image-là. Alors que là, dans les années 90, il y a eu une recrudescence de la peur du satanisme, que je ne m'explique pas, mais bon, qui a causé cette catastrophe pour ces trois accusés. On a eu un peu le même cas en France de terreur sataniste dans les années 90, ici. Oui, Avec il y a eu. les rôlistes à la Avec fête les des jeux métallos. de rôle, oui. Suite à une dégradation dans un cimetière, forcément, tous les rôlistes étaient devenus satanistes. Donc moi, à l'époque, qui écoutais du métal, qui lisais des comics et qui jouais aux jeux de rôle, Bienvenue au club. voilà, c'est bien. Non, franchement, voilà, c'est ça le pire, c'est que j'aurais pu vraiment être à la place de ces gens-là. Ça aurait pu m'arriver. C'est assez horrible à se dire. Mais par contre, par rapport à la scène de l'autodafé, un petit détail qui m'a beaucoup fait sourire, c'est que forcément, Gaïdos et Heinz sont amusés à jouer sur les clins d'œil. Et donc, on voit une petite fille jeter un Strange Embrace, donc le fameux comics indé de Heinz, dans le feu. Et puis, c'est Ah, un bon choix parce que. c'est un joli clin d'œil. Oui, et surtout que le thème du comics va tellement avec le fait que ça va bien, quoi. Et juste à côté, on voit la pochette de l'album de Meatloaf, Bat Out of Hell. Donc on résume, hein, Bat Out of Hell, le titre fait sataniste. La pochette était dessinée par Richard Corben, qui a pas le style graphique le plus sain du monde. Et en plus, l'album est très connu pour un morceau qui s'appelle Paradise by the Dashboard Light, qui raconte une relation sexuelle entre deux adolescents sur le siège arrière d'une voiture. Ah ben, tout pour plaire. Tout pour plaire à la Bible Bête. Et tant qu'on est dans les clins d'œil, on peut citer un passage du documentaire dans lequel on voit des images de la cellule de Damien Nichols et on voit les lectures qu'il peut faire en prison et notamment quelques comics. Et ça nous a beaucoup fait sourire tous les deux parce qu'il lisait Preacher Et et Sandman. Sandman, des comics qui sont vraiment chers à nos cœurs. Oui, et puis que je lisais déjà à l'époque. Ouais, donc voilà quoi, ça renforce les similitudes avec Eccles quoi. C'est vraiment. Pour en revenir aux comics et aux similitudes qu'il y a avec la vraie vie, moi je voulais, il y avait un autre facteur qui m'avait vraiment beaucoup marqué, c'est l'incompétence totale de leur défense, de leurs avocats. Ah, bah ça. Autant dans le comics, il y en a un des trois qui a la chance d'être défendu par Matt Murdock, mais les deux autres avocats ainsi que celui Oh, à la qui rigueur, celui qui doit aider à défendre donc Joel Flood, c'est ça le nom suivant. Ouais, Joel Parce que Flood, ouais. depuis que j'ai vu le reportage, j'arrive pas à les appeler autrement que par Par leur vrai nom. leur vrai nom. Donc Joel Flood, celui qui devait défendre Joel Flood à Bah, la place, essaye de se débrouiller. il comprend assez vite que Matt Murdock est à quelques niveaux au-dessus, donc il lui laisse les coudées franches. Alors que, mais dans la vraie vie, et c'est assez touchant d'ailleurs la scène où l'avocat quelques années après reconnaît son inexpérience et qu'il a maltraité ce cas. Il était tellement persuadé d'en s'en sortir juste par le fait que il y avait l'un des trois accusés avait un alibi en béton, qu'il n'a pas jugé bon de complètement démonter les arguments fallacieux de l'accusation. Ah non, mais c'est. Mais je crois que même en essayant de défoncer les arguments fallacieux, ça passait pas, quoi. Bah, c'est vrai qu'ils étaient tellement les victimes idéales, et il faut préciser là-bas que le district attorney et le shérif sont élus. Donc, si tu peux nous en dire quelques mots, mais ça joue vraiment sur le Oui, système voilà. judiciaire. En fait, là-bas, aux États-Unis, et surtout en Arkansas où se passait l'affaire réelle, les shérifs sont élus par la population, et ainsi que les procureurs. Donc leur intérêt principal, c'est de faire plaisir à leur communauté pour être réélus, quoi. Et déjà, là-dessus, ça joue pas. Après, je suis persuadé que des procureurs et des shérifs honnêtes qui font vraiment ça en tant que profession de foi existent. Mais dans la plupart des cas, je les vois plus comme des fonctionnaires qui essaient d'être réélus la fois d'après, quoi. Ah bah là, dans ce cas précis, quand on voit le documentaire, c'est évident qu'on a Ah, affaire à ce cas-là. Hein. le pire étant le procureur. Enfin, pour moi, le pire, ça reste le procureur qui est à la toute fin, donc en Ouais. 2011, au moment de leur libération, parce que ça se joue à trois fois rien, leur libération, et ce plaidoyer Alford qu'ils doivent signer, c'est un bon compromis pour le procureur, parce que ça lui permettra d'éviter de payer des compensations financières. Et Voilà. quand on sait que les trois accusés ont fait 18 ans de prison pour rien, et que lui, son seul argument, c'est l'État ne doit pas payer un centime pour ces trois-là, ouais, moi j'avais vraiment envie de vomir à la fin du Ouais, film. non, c'était immonde. Donc, il y a une autre similitude par rapport aux comics et aux faits réels, et qui là est involontaire, parce que Hein ne pouvait pas deviner ce qui se passait à l'époque, sachant qu'on a découvert ça récemment avec les nouvelles preuves ADN. Oui, d'ailleurs, celui qui est accusé, donc enfin qui est pas accusé justement, mais qui est le Assassin. probable assassin, il ne s'est pas mal comporté qu'avec Son son fils et les fils. copains de son fils. En fait, dans le comics, on parle d'un drame familial qui touche donc la famille de la victime, c'est sûr, mais aussi la victime, et qui touche aussi les inculpés. Un Oui. autre drame familial. Et là, c'est exactement le même cas. On se retrouve en fait à découvrir quelque chose de très malsain. Et qui rajoute à l'ambiance complètement horrible de l'histoire, hein, comme si il y en avait déjà pas assez. Alors dans le comics, ça rajoute vraiment du fond à l'histoire et ça apporte une dimension supérieure. Dans le reportage qu'on a vu, honnêtement, j'en avais quasiment envie d'y aller, quoi. On en avait les larmes aux yeux tous les deux. C'est quelque chose qui nous a profondément retourné, quoi. C'est vraiment, honnêtement, le comics, on le conseille très fortement, n'est-ce pas? Ah oui, mais là, oui, je. Et West and Memphis est un incontournable à voir à côté. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut voir les deux en parallèle. Je pense qu'on Ça. peut rien dire de plus par rapport à ce comics. On essaye d'en révéler le moins possible parce que je pense que toi comme moi, on a été extrêmement surpris à la lecture du comics parce que moi je ne connaissais pas l'histoire avant de lire le comics et le fait il y a énormément de twists, il se passe beaucoup de choses et on veut absolument pas les révéler. Et d'ailleurs, on rendra à César ce qui est à César. On remercie notamment Steve de Comic City pour nous avoir donné envie de lire ce comics. Oui, exactement. Mais parce que là, il Mais nous a posé. on peut en parler parce que justement, ce comic s'est sorti en français il n'y a pas très longtemps, en mars, si je ne me Au trompe mois de pas. mars, lors de la sortie de la saison 2 de la série télé Daredevil. C'est vraiment étonnant que Panini Comics ait décidé de ressortir ce comic. On les en remercie parce que c'est vraiment super parce que Oui et non, parce que il est la. difficile à trouver En VO, en version originale. Hein. ouais. Mais le truc surprenant, oui et non, c'est surprenant. Parce que le pour le choix qui a été fait, mais qui sortent beaucoup de comics Daredevil à l'époque de la sortie de la série télé, c'est un bon coup Je suis d'accord avec toi, mais de pub. pour Mais le là, coup, c'est un ce comics-là. très bon choix et je remercie les équipes de Panini de l'avoir fait, quoi. Ouais, C'est d'autant vraiment. plus que ce titre-là n'a absolument rien à voir avec la série télé. Ouais. Encore une fois, on voit très très peu Daredevil et le personnage principal de la série. Les personnages principaux, c'est Matt Murdock et les accusés. Et puis d'ailleurs, ce qui est marrant là-dessus, c'est que c'est souvent qu'on fait un parallèle entre la justice et la loi dans Daredevil, où il est avocat le jour et justicier la nuit, et que forcément il fait régner la loi le jour, mais la justice la nuit. Là, c'est l'inverse. Là, on voit que le côté justicier fout plus le bordel qu'autre chose, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ahurissant, c'est vrai. C'est vraiment très très bien joué de la part de David Hein. Mais bon, comme on disait, donc le bouquin est dispo chez Panini pour 17,50 €. Alors, faut vraiment pas le louper parce que c'est vraiment l'essence pour laquelle on fait ce podcast, essayer de faire découvrir des comics qui sont passés sous le radar et celui-là vaut vraiment le coup. Ouais, et en plus, ils ont fait une belle édition. Donc, hardcover, couverture rigide, avec un bon paquet d'édito dedans. Donc là, il faut saluer leur choix, il faut saluer leur travail, quoi. Est-ce que dans l'éditorial, il parle du vrai cas d'ailleurs? Oui, D'accord. c'est justement mon premier contact avec le vrai cas, ça a été leur éditorial. D'accord. Donc franchement, bravo. Bravo à Panini. Donc comme d'habitude, on va se quitter en musique. Ah ouais, alors avant, on va faire un petit. On va juste vous rappeler que vous pouvez nous retrouver sur notre site comicsfr.fr. Nous sommes aussi. Vous retrouvez tous Nos nos flux identifiants. sur iTunes et flux RSS, sur tous vos lecteurs de podcasts. Voilà, et puis vous pouvez nous laisser des messages sur Facebook ou sur Twitter, et n'hésitez pas à nous faire des propositions. Et on va se quitter en musique. Donc, alors là, c'est un titre vraiment particulier parce que Ouais, encore une c'est pas fois, celui qu'on avait choisi à la base, encore non. une fois. Faut, ça, c'est un petit secret de fabrication. On discute beaucoup des musiques qu'on choisit pour essayer de trouver la meilleure. Là, en l'occurrence, on était parti sur Mother de Danzig, qui correspond totalement à la thématique de la chanson. Donc, la jeunesse, c'est pas parce que t'es un jeune rebelle que t'es forcément satanique. Mais au final, tu nous as trouvé une musique qui est juste parfaite. Ah bah oui, parce que on en parlait plus tôt, Eddie Vedder a fait partie du comité de soutien. Eddie Vedder, pardon, le chanteur de Pearl Jam a fait partie du comité de soutien à Damien Eccles. Et quand il était encore en prison, Eddie Vedder est allé visiter Damien Eccles et ils ont écrit une chanson ensemble qui est sortie sur l'album éponyme de Pearl Jam, sorti en 2006. Et la chanson s'appelle Army Reserve. Et donc je vous propose de l'écouter maintenant. Oui, et le truc marrant avec cette chanson, c'est que je la connaissais déjà, donc je ne connaissais pas les circonstances de création. Pour moi, j'ai toujours pensé qu'elle parlait donc justement du rapport d'un enfant avec son père toujours absent à cause de l'armée. Et là, ça change toute la donne quand même. Ah bah carrément. Je la réécoute avec un nouveau regard et j'ose espérer que vous apprécierez ce morceau. Alors, à dans 15 jours et au revoir. Allez, au revoir. contain her.